Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Chaque matin, il s'appelle El Shaddai, le Dieu de toute possibilité. Pourquoi doutes-tu de la puissance divine, ma sœur? Avec ton problème de maladie, ton problème de santé, je vais te dire, le temps de ta mort n'est pas encore arrivé. Lève-toi, commence à bénir ton Dieu, parce qu'il va changer ta maladie en santé. Il va changer tes échecs en succès. Alléluia. Réveille ton voisin, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à l'émission OSB, opération sur la brèche. Nous allons lire Juges chapitre 11, versets 29 à 40. Notre passage d'aujourd'hui, c'est Juges 11, 29 à 40. L'Esprit de l'Éternel fit sur Jephté, il traversa Galad et Manassé. Il passa Mitzpé à Galad, et de Mitzpé de Galad, il marcha contre les filles d'Ammon. Jephté fit un vœu à l'Éternel et dit : Si tu livres entre mes mains les filles d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi, à mon heureux retour de chez les filles d'Ammon, sera consacré à l'Éternel, et je l'offrirai en holocauste. Jephté marcha contre les filles d'Ammon, et l'Éternel les livra entre ses mains. Il leur fit éprouver une très grande défaite, depuis Aroer jusqu'à vers Minit, espace qui renfermait 20 villes, et jusqu'à Abel-Keramim. Et les filles d'Ammon furent humiliés devant les enfants d'Israël. Jephté retourna dans sa maison à Mitzpah, et voici sa fille sortit au devant de lui avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant, il n'avait point de fils et point d'autre fille. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit : Ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement, tu es au nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne puis le révoquer. Elle lui dit : Mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, des fils d'Ammon. Et elle dit à son père : Que ceci me soit accordé, laisse-moi libre pendant 2 mois. Je m'en irai, je descendrai dans les montagnes et je pleurerai ma virginité avec mes compagnes. Il répondit : Va. Et il a libre pour 2 mois. Elle s'en alla avec ses compagnes et elle pleura sa virginité sur les montagnes. Au bout de 2 mois, elle revint vers son père et il accomplit sur elle les vœux qu'il avait faits. Elle n'avait point connu d'homme. Dès lors s'établit en Israël la coutume que tous les ans, les filles d'Israël s'en vont célébrer la fille de Jephté, Galadite, 4 jours par année. Amen. Quelle histoire merveilleuse. Nous allons partager 3 grandes vérités tirées de cette histoire. Première leçon, lorsque nous formons un vœu à l'Éternel, nous devons savoir que le vœu peut pousser Dieu à nous accorder certaines faveurs. Oui, il y a beaucoup de gens dans la Bible qui l'ont fait. Je vais parler à toi, mon ami. Tu veux voir la main de Dieu dans le domaine des finances. Tu veux que l'Éternel débloque la nomination pour que tu occupes un poste très élevé. Tu peux faire un vœu. Tu peux dire : Seigneur, si tu me donnes ce vœu, ou bien si mon salaire est débloqué, si mes avantages sont débloqués, voici les montants que je te donnerai. Il y a beaucoup de gens qui peuvent le faire. C'est toi-même qui le fais. Ce n'est pas quelqu'un qui va t'obliger. Toi-même, tu fais un vœu et cela peut engager l'Éternel. Vous voyez, ici, Jephté était devant une situation. Il est parti au combat. Il combattait contre les filles d'Ammon. Il a vu que l'enjeu était de taille. Et il fait un vœu à Dieu. Il dit : Seigneur, si tu me donnes la victoire sur mes ennemis, voici ce que je ferai. La première personne qui sortira au devant de moi, à mon retour, sera consacrée à l'Éternel. Je te l'offrirai en holocauste. En principe, l'holocauste fait partie des sacrifices qu'on offrait en Israël. C'était des sacrifices d'animaux. C'était des sacrifices qui étaient consumés entièrement et dont l'odeur était agréable à l'Éternel. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont se poser la question, est-ce que Jephthé va-t-il consacrer ou bien va-t-il immoler une personne? Attention, il y a des mauvaises interprétations sur cela. Nous allons voir qu'il ne s'agirait pas d'offrir quelqu'un en sacrifice comme on immole un animal. Ici, ce que nous devons comprendre, c'est l'importance du vœu. Si tu veux voir la main de Dieu, tu peux faire un vœu. Et lorsque un vœu, il faut le respecter. Deuxième vérité, nous devons nous acquitter de notre vœu, même si cela peut nous coûter. Il y a des gens qui formulent des vœux. Je parle à toi, mon ami. Aujourd'hui, tu es élevé. Tu occupes un poste intéressant, tu gagnes des millions. Lorsque tu t'en vas, même en mission à l'étranger, en Europe, aux États-Unis, tu as vraiment beaucoup de millions, ton compte est bien garni, tu as acheté plusieurs maisons, plusieurs parcelles, mais tu as fait des vœux aux hommes de Dieu qui t'ont enseigné, qui t'ont prêché. Tu as fait même des vœux pour fréquence vie. Jusque-là, tu n'as même pas quoi accompli, mon ami. Lorsque tu fais un vœu là, il faut te souvenir. Je sais qu'il y a des gens, dès que Dieu commence à les bénir, il y a beaucoup de dépenses qui s'accroissent. Tu commences à penser à envoyer des enfants au Canada, envoyer ta fille, je ne sais pas, en Inde, à l'envoyer où. Mais lorsque tu penses à tout, tu dois te rappeler du vœu que tu as fait à l'Éternel. Oh, je parle à quelqu'un, ça fait plusieurs mois que Dieu t'a mis à cœur et toi-même tu as fait un vœu pour contribuer pour l'expansion de la radiofréquence vie. Ma sœur, Dieu t'a béni, c'est pour que tu puisses t'acquitter de tes vœux. Lorsque tu as fait, il faut l'acquitter, il faut t'acquitter de ce vœu, il faut l'accomplir. Jephthé a vu que c'était compliqué. Dieu lui a donné effectivement la victoire sur ses ennemis. Mais il a dit la première personne qui sortira, c'est celle qu'il va consacrer. Et dès qu'il était de retour, c'est sa fille Ic, qui est sortie. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait respecter. C'est pourquoi il dit à sa fille, « Oh, tu es parmi ceux qui me troublent. » Ça dit que humainement parlant, c'était difficile. Sa fille était vierge. Elle ne connaissait point d'homme. Et il est dit ici que c'était son unique enfant. Il n'avait point de fils. Il n'avait point d'autre fille. Ça veut dire que si cette fille ne se marie pas, Jephthé n'aurait plus de postérité. Vous voyez, l'enjeu était important. C'est compliqué en tant qu'homme. Et c'est pourquoi il était troublé. Mais comme il a fait un vœu à l'Éternel, même si cela le coûtait, Jephthé était prêt à accomplir ce vœu-là. Ce vœu consistait à consacrer sa fille à la virginité toute sa vie. C'est-à-dire que sa fille devait être consacrée à l'Éternel. C'était une forme de consécration. Pendant ce temps-là, il y a des gens qui se consacraient entièrement entre les mains du Seigneur pour le servir. C'est-à-dire que il consacre sa virginité et dit, moi, je ne veux pas me marier. Vous voyez, c'était dur. C'est pourquoi la fille de Jephthé lui dit au verset 36, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Et maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, des fils d'Ammon. Troisième vérité, en tant qu'enfant, nous devons respecter le vœu que les parents ont formulé, surtout si nous avons des parents qui craignent l'Éternel. Vous voyez? Nous ne devons pas nous révolter contre nos parents, des valeurs que parfois nos parents nous laissent. Je vais parler à un jeune garçon, regarde, tu as des parents qui sont des serviteurs de Dieu. Ils t'ont laissé un héritage, la crainte de Dieu, la vie de sanctification. Le ministère, il faut que tu préserves ces choses-là. Ne te mêle pas avec des bandits, avec des gens qui commencent à fumer les chambres, la drogue. Non, il faut vraiment préserver cet héritage-là. Aujourd'hui, par exemple, la virginité, c'est un héritage. La fille d'Égypte, elle a vu que ce que ses parents lui demandaient de faire, ce n'était pas honteux. C'est vrai que c'était difficile, mais c'était pour se consacrer à l'Éternel. Elle est partie pleurer. Mais elle a obéi. Elle a compris que c'était une fierté pour la famille. Parce qu'elle s'est consacrée à l'Éternel. Je vais parler à une jeune fille. Écoute-moi bien. Tu es encore vierge. Il y a des amis qui se moquent de toi. Parce que tu ne connais pas encore des garçons. J'aimerais te dire, il ne faut pas céder. Sois fière. Il y a ces garçons-là qui te sollicitent, qui disent qu'il va te marier. Depuis longtemps, laisse-moi te dire que ces garçons, si tu cèdes, il va détruire ta vie. Si quelqu'un réellement t'aime, il veut t'épouser, il doit attendre le jour du mariage. Est-ce que tu comprends cela?

la pauvreté fléchira devant le nom de Jésus. Alléluia, alléluia, yo yo yo yo. Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Alléluia, Alléluia, oh, Alléluia, Alléluia, Alléluia, oh, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna. Gloire au Seigneur, il est digne de louange, il est le Dieu saint, il est le Dieu merveilleux, il est digne d'exalter. Je voudrais que ce matin, nous puissions le louer tous ensemble. Élevons nos voix, bénissons l'Éternel. Nous te bénissons, Éternel notre Dieu, toi le Dieu digne de louange, sois magnifié, toi le Dieu digne d'être élevé, le Dieu digne d'être glorifié et exalté. Nous bénissons ton nom ce matin, ô notre Dieu, notre Seigneur, notre Père, toi notre soutien, notre protecteur, tu es celui qui nous a gardés toute la nuit et qui nous accorde cette belle journée. Nous te disons merci pour cela et nous te glorifions. Merci, ô notre Seigneur, notre Dieu, toi le Dieu qui bénit, le Dieu qui nous a sauvés par pure grâce, le Dieu qui veut que nous puissions te consacrer nos vies et tout ce qui nous appartient. Ô Seigneur de nous-mêmes, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien, mais ta grâce nous suffit. Merci de nous aider à te servir de tout notre être et pour ta seule gloire. Sois béni notre Seigneur, notre Dieu, toi notre Sauveur et notre victoire. Que l'honneur te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière que nous appelons Opération sous la brèche en sigle OSB. Nous prions chaque matin et cette émission est rediffusée sur notre site web www.radiofréquencevie.com. Nous prions selon les Saintes Écritures. Et le passage d'aujourd'hui, c'est Juges, chapitre 11, 29 à 40. Nous venons de voir l'importance du vœu. Oui, tu peux formuler un vœu volontaire si tu veux voir la main de Dieu. Tu peux dire, Seigneur, si tu me donnes un enfant, si tu me donnes un mari, si tu me donnes une femme, si tu me donnes la bourse, voici ce que je ferai. C'est toi-même qui fixes à Dieu ce que tu comptes faire. Mais lorsque tu as un vœu, il faut l'accomplir. Jephthé a fait un vœu en demandant à Dieu de lui donner la victoire sur ses ennemis. Et Dieu lui a accordé cette victoire-là. Tu vas faire un vœu à l'Éternel. Si réellement tu es convaincu, tu vas prier l'Éternel pour qu'il t'aide vraiment à formuler ce vœu et que tu pries le Seigneur pour qu'il t'aide à accomplir ce vœu. Peut-être que tu as fait un vœu en cachette, personne ne sait. Et tu te sens bloqué dans ta vie parce qu'il y a quelque chose dans ta conscience. Prions l'Éternel afin qu'il nous aide à pouvoir faire des vœux, mais à surtout accomplir le vœu que nous lui avons formulé. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. Grand Dieu, nous te bénissons. Grand Dieu, nous te proclamons roi. Grand Dieu, nous élevons vers toi notre âme. C'est en toi que nous nous confions. Parce que tu es notre Seigneur, parce que tu es notre Sauveur. Nous nous confions à toi tout en exprimant notre reconnaissance pour tous tes bienfaits. Ce matin, dans le nom de Jésus-Christ, nous prions au Père et nous demandons que tu nous accompagnes dans notre marche avec toi, que tu nous accompagnes dans notre foi chrétienne. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ et nous demandons que ton Esprit Saint nous aide dans les vœux que nous allons prendre, nous instruise et nous guide dans les vœux que nous allons prendre, nous donne également la force afin que nous puissions honorer ses vœux dans le nom puissant de Jésus. Nous prions au Père éternel et nous prenons l'engagement d'honorer nos vœux, les vœux que nous avons faits et que tu nous as bénis, tu nous as donné les moyens pour pouvoir accomplir les projets que nous t'avions présentés. Nous te donnons cette assurance d'honorer ses vœux, que tout obstacle, tout blocage, tout ce qui nous empêche d'honorer ses vœux soit ôté au nom de Jésus-Christ. Merci Père éternel, parce que c'est toi qui nous donnes la force, c'est toi qui nous donnes le zèle pour honorer nos vœux et contribuer à l'avancement de ton œuvre. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir que les enfants devraient cultiver certaines valeurs positives que leur lèguent leurs parents. Au nom de ces valeurs, il y a la virginité, il y a la crainte de Dieu. La fille de Jephté a compris que son père l'avait consacrée à l'Éternel et qu'elle devrait rester vierge toute sa vie. Oui, elle a accepté cela. Elle ne s'est pas rebellée contre ses parents. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes garçons, des jeunes filles qui se rebellent contre leurs parents. Oh, nous allons prier pour nos enfants. Nous allons prier en fait que nos enfants puissent cultiver les valeurs positives. Que nos enfants, nos filles, nos garçons marchent dans la crainte de Dieu. Nous allons prier surtout pour les jeunes filles qui connaissent des pressions parce qu'elles marchent dans la chasteté, dans la virginité. Il y a les autres qui se moquent d'eux. Il y a ceux qui veulent abuser d'eux. Nous allons prier pour combattre l'esprit d'immoralité sexuelle qui commence à ravager nos jeunes au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Nous voulons te remercier, notre Dieu, notre Père. Merci pour cette famille glorieuse que tu nous donnes, une épouse, un époux, et en plus des enfants que nous voulons voir grandir, que nous voulons voir croître dans la foi chrétienne avec le fondement de la chrétienté, la spiritualité. Merci Seigneur. Parce que tu nous dis, au moment où ils sont jeunes, de leur enseigner les valeurs chrétiennes. C'est notre vœu, c'est notre souhait Vois nos enfants qui marchent dans la crainte de Dieu. Ô Seigneur, que ceux qui sont vierges, surtout nos filles et nos garçons, nous voulons te prier pour nos enfants. Dieu de gloire, que leur corps soit réservé pour leur mari. Que leur corps soit réservé pour toi, notre Dieu, notre Père. Mais d'autres sont harcelés, sont notre Dieu, notre Père. Ô Seigneur, sont tentés par l'ennemi, soit à cause du travail, soit à cause de l'école, ou bien de l'argent. Il y a des loups ravisseurs qui veulent détruire leur virginité, leur sanctification, leur sainteté. Oh, leur corps est le temple du Saint-Esprit. Nous voulons les remettre en tes mains, les plonger dans le sang de l'agneau, que leur vie soit préservée. Remplis leur cœur de crainte, Seigneur. Et nous te prions ce matin que tu les gardes au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier pour tous ceux qui ont fait des vœux pour soutenir Fréquence Vie. Il y a ceux qui ont fait des vœux pour les projets télé. Il y a d'autres qui ont fait le vœu pour le projet de Sampé, mon ami. Ce n'est pas bon d'arriver jusqu'à la fin sans dire ce vœu. Quel que soit le vœu que tu as formulé, nous allons prier pour que Dieu te donne la capacité d'accomplir ce vœu. Nous allons profiter pour prier pour tous les amis de Fréquence Vie. Il y a ceux qui ont pris des cartes, mais ils n'ont pointé que juste pour un mois. Oh, que le Seigneur vous accorde sa grâce, afin que l'engagement que vous avez pris de soutenir la radio Fréquence Vie en devenant ami de Fréquence Vie, que vous puissiez vous acquitter de votre engagement. Prions le Seigneur dans le nom de Jésus. Seigneur, je te rends grâce et je t'apprécie au nom de Jésus. Le psalmiste David a dit, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride et séchée sans eau. Ainsi je contemple le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. » Seigneur, merci parce que tu nous as appelés fils et filles et tu as suscité la radio Fréquence Vie pour proclamer l'évangile vrai. Pour proclamer le nom de Jésus-Christ, pour annoncer la parole sainte. Et tu voudrais que cette radio s'étende, oui, vers les peuples non atteints, vers les contrées lointaines, vers les personnes, nos parents qui sont dans les villes et villages éloignés de la Côte d'Ivoire. Et tu en même temps, après l'appel, certaines personnes se sont érigées en amies de Fréquence Vie. Cher Saint-Esprit, que ce qui les empêche d'honorer à leur engagement soit brisé au nom de Jésus-Christ. Merci pour la sagesse. Merci pour l'engagement qu'ils ont pris et pour les vœux qu'ils respectent. Père, certaines personnes aussi parmi ses amis et parmi tous ceux qui écoutent la radio Fréquence Vie se sont engagés pour le projet de télévision, pour voir la radio être plantée à San Pedro. Cher Saint-Esprit, merci parce que tu suscites dans la vie de ces hommes et ces femmes qui nous écoutent de venir honorer à leurs vœux. Et que pour toute personne qui a envie de soutenir cette radio, pour voir une multitude être guérie, merci parce que tu les appelles. Tu bénis leur engagement, tu bénis leur destinée, tu bénis leur activité, tu bénis leur projet et tu bénis tout ce qu'ils entreprennent au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Vous êtes bénis, surtout si vous appliquez ces choses. C'était OSB. Nous espérons vous retrouver demain à la même heure et à la même chaîne. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.